Tristesse à se mêle, clachant les caresses, le trottoir. Il n'a que les os, les plis et la peau. Charlie va danser ce soir. Charlie, Charlie, tiens-toi droit. Que c'est beau quand elle coule, la rivière de sang chaud. Là ils se tiennent au fond, le temps et le sang, où la vie s'écrit à l'autre. Accroche-toi au cri de la mélodie qui ne sait pas qui elle suit. Charlie, Charlie, les filles pauvres, vieux salauds, bah elle coule la rivière de sang chaud. Le cœur dans les tempes et la tempête au vent. Charlie sort, se perd dans le dédale des rues où un taxi le prend sur son capot d'argent. Maintenant dans le sale, elle traîne sa bouche pas le fond du caniveau où elle coule, où elle coule.